moitié dans la correction. N'oublie jamais que la colère restera toujours une émotion, qu'un volcan finira toujours par rentrer en éruption. Je m'emprisonne dans le seul précipice qui isole, me laissant seul dans le maléfice. Je l'ignore mais je crie fort et toute cicatrice, laissant tous ces morts qui me rendent triste sur ma liste. Les personnes que j'ai aimées ont quitté trop vite la piste. Comment danser seul sans lumière et sans musique? Seul au sol, dépression sans même qu'elle me finisse, mais qui finit toujours par atteindre son paroxysme. Peu importe l'activité, je me mets vite la pression. Je vis mal ma vie car je la vis comme une agression. Êtes-vous vraiment sûr de me vouloir dans votre émission? Je répondrai aux mitoyens quand j'aurai fini session. La bonne phase de ma bipolarité est ma mission. Je suis un cas, surtout quand je suis en cas de possession. J'ai un minimum d'ambition quand je pars de mes créations. À moitié dans l'action, à moitié dans la correction. N'oublie jamais que la colère restera toujours une émotion, qu'un volcan finira toujours par rentrer en éruption. Je m'emprisonne dans le seul précipice qui isole, me laissant seul dans la maléfice. Je l'ignore mais je crie fort et toute cicatrice, laissant tous ces morts qui me rendent triste sur ma liste. Les personnes que j'ai aimées ont quitté trop vite la piste. Comment danser seul sans lumière et sans musique? Seul au sol, dépression sans même qu'elle me finisse, mais qui finit toujours par atteindre son paroxysme. Soutiens-moi pour pouvoir suivre toute ma progression. L'argent fait des humains, des objets de soumission. Suffit d'être dépendant d'une liberté ou ta gestion. N'oublie jamais que t'es gouverné par ta propre addiction. Je m'emprisonne dans le seul précipice.